Baudouin est un spécialiste de Benjamin et la radio. Voici un de ses livres. Il n'a pas pu se joindre à nous, mais il nous remercie chaleureusement. La raison principale de son absence, c'est qu'il vient d'être recruté par Radio France pour préparer des émissions pour enfants. Et il est en pleine préparation. Mais il a proposé, et on en est heureux, un montage sonore, parce qu'il tenait à être présent, un montage sonore d'une émission dont on n'écoutera que des extraits, qu'il a produite pour France Culture, une émission qui s'appelle Walter Benjamin, le collectionneur d'étincelles. C'est un documentaire radiophonique qui a été diffusé le 17 décembre 2011 sur France Culture, dans le cadre d'Une vie, une œuvre. C'est 11 minutes 58. 10 minutes 58. Et comme vous le verrez, ou l'entendrez plus exactement, est-ce que nous connaissons ou pas la voix de Walter Benjamin ? Benjamin sait très bien raconter les histoires. Et qu'il en a raconté à la radio. Il y a tout un ensemble de textes radiophoniques de Benjamin dans le cadre d'émissions destinées à l'enfance, très riches, enfin, etc., avec une façon tout à fait captivante d'interpeller l'enfance, d'interpeller les enfants, enfin, à travers une sorte de conversation qui fait le va-et-vient entre le récit et l'au-delà ou l'en-deçà du récit, enfin, entre la fiction et la réalité. Benjamin ne se loge pas de comme un incognito dans le récit qu'il va énoncer pour ses jeunes auditeurs radiophoniques, mais il ressort de là pour parler directement en tant que tel, comme l'auteur du récit, justement, à ces enfants-là. Donc, nous ne sommes plus dans un récit clos, mais dans un récit ouvert où le récitant, en quelque sorte, se montre comme tel, quoi. Loin de s'effacer. La radio, on peut dire, c'est un moyen technique et c'est aussi une sorte de reproductibilité immédiate, puisque normalement, une voix qui parle, surtout bon, si c'est en direct, pof, elle s'en va dans 20 000 ou 200 000 ou des millions parfois de terminaux. Donc elle est une et infiniment répartie, partagée. Une ubiquité. Et voilà, il y a une sorte d'ubiquité, et ça le fascinait évidemment, donc déjà ça corrige la pensée sur la reproductibilité à ce moment-là. Et donc il a pensé véritablement, aussi bien avec les émissions qu'il faisait pour les enfants, qui s'appelait Lumière pour enfants, pendant des années il a pu faire ça, jusqu'à évidemment l'arrivée au pouvoir des nazis, et puis également les pièces radiophoniques qu'il a vécues. Donc c'est un médium dans lequel il a investi énormément, d'ailleurs beaucoup plus qu'aucun intellectuel de son temps à ma connaissance. C'est pas seulement je viens y parler, mais je fais de la radio. Et évidemment qu'il y avait certainement pour lui aussi là-dedans la conscience d'une parole qui s'adresse et qui, par le biais de ce médium, reprend les choses là où l'avait laissé finalement, pas l'éveillé des chaumières, mais quand même quelque chose qui est de cet ordre, c'est-à-dire le conte qui réunit autour d'une voix, là, en général d'une aïeule, un récit autour duquel les enfants en particulier et la petite communauté va non pas se souder, mais se exister comme tel au fond. Et donc c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y aurait là une espèce de rousseauisme du microphone. Enfin, ça fait bizarre comme expression, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire on se tient autour de la voix qui raconte. Et il y a, quand on regarde comment il travaillait, notamment les lumières pour enfants, les sujets qu'il choisissait, etc., on voit bien qu'il a voulu être lui-même, comme speaker, au fond, l'enchanteur, le passeur, l'enchanteur. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ça? Alors, quand on a pas mal connu quelqu'un Stéphane et qu'on entend parler, en général, on reconnaît la voix. La voix à la fois très distincte, très articulée, la voix telle que je l'ai entendue m'a paru en effet bien correspondre à la façon dont Walter Benjamin voulait exprimer une idée en la faisant en quelque sorte jouer entre les lèvres et la bouche d'une façon qui en rende toute la force. C'est pour cela, plutôt que par le timbre même, qu'est-ce que c'est qu'un timbre ? On peut se tromper, mais en l'écoutant, c'est la façon dont il utilise la langue allemande qui lui est très chère. Il faut reconnaître que c'était un grand amoureux des langues. Et l'allemand, pour lui, ça compte beaucoup. Donc, pour toutes ces raisons, je n'ai pas eu la moindre hésitation à dire « oui, c'est bien Walter Benjamin ». Alors, il faut dire que si, d'une part, le conteur traditionnel, celui qui égrène en quelque sorte sa sagesse à travers un récit filé comme des grains de collier, élément après élément, alors s'il y a la critique de cette narration-là, par ailleurs, Benjamin maintient l'efficacité du conte. Il maintient l'efficacité du conte, y compris dans le texte sur le narrateur, si on le lit de près, quoi. Là, de même que le cinéma ne périme pas le théâtre, la crise de la narration dont nous parle Benjamin ne périme pas non plus un certain type de récit, mais le renouvelle au contraire. Alors, en particulier, il y a chez Benjamin un éloge du conte dont il dit qu'il est toujours utile à l'enfance. Et éloge du conte qu'il oppose au mythe. Alors là, on retombe sur un trait benjaminien, cette opposition du conte au mythe. Alors le mythe, les puissances mythiques, etc., c'est tout ce qui affaiblit justement l'émancipation humaine et qui crée l'assujettissement du sujet à des puissances qui lui échappent. Il y a un sentiment très fort de fatalité qui prévaut pour celui qui se fait capter par le mythe. Donc le conte apparaît comme le récit d'enfance, enfin, qui va, de même que le petit héros de conte affronte les géants, les ogres, le conte apparaît comme le récit qui va faire pièce au mythe, à l'existence mythique. Wenn du willst, schneide ich hier wieder ein paar Tiere aus. Wie vorige Woche. Willst du? L'art de raconter des histoires est en voie de se perdre, nous dit Benjamin. Et si la narration traditionnelle est en crise, c'est parce que nous ne sommes plus capables d'échanger des expériences et que les nouveaux moyens techniques de reproduction ont transformé les rapports entre les hommes. Les atrocités de la Grande Guerre, permises par la démesure technique, ont rendu les soldats muets. L'extension excessive de la sphère privée de l'existence a fait chuter le cours de l'expérience. Un tel bouleversement technique, esthétique et politique signale le déclin de ce que Benjamin, à partir de sa petite histoire de la photographie en 1931 et l'article sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique en 1935, nomme l'aura. En fait, ce qu'il appelle l'aura, ce serait, d'après ce qu'il a dit, ce serait finalement une capacité de réveil ou une capacité de réponse qui serait déposée dans un certain nombre, dans les choses, et notamment aussi dans les œuvres d'art, mais pas du tout exclusivement dans les œuvres d'art. Donc il ne s'agit pas d'une valeur ajoutée, mais il s'agit d'une propension que les signes, certains signes, certains objets ont justement à faire signe et à répondre. À un moment, il emploie même l'expression magnifique de rendre le regard et surtout lever les yeux. C'est-à-dire comme si quelque chose qui appartient officiellement, disons, à l'inerte, etc., était en état de répondre à une demande. Comme si l'affect que l'on promène dans le monde, au fond, avait des possibilités de contact, de touche, hein, au sens même où on parle des touches à la pêche à la ligne, comme ça. C'est, disons, une émission discontinue du sens, c'est-à-dire le sens même, c'est-à-dire ce qui fait sens. Et donc l'aura, c'est ce qui, disons, dans une masse indifférenciée, est en éveil et répond comme tel à la quête du flâneur, du promeneur, du poète, de l'artiste éventuellement. Aura renvoie à auréole, enfin, etc. Donc on peut peut-être évoquer la perte d'auréole, le petit texte de Baudelaire, enfin, qui descendant dans la rue, se fait agresser, le poète, par la circulation jugée insupportable, se fait bousculer par des piétons qui courent ailleurs et à l'avenir sans jamais arriver à soi. Ça, c'est une phrase de Pascal ou de Montaigne, je ne sais plus. Alors, toujours est-il que la perte d'auréole chez Baudelaire est symptomatique ou symbolique, justement, de la perte de l'aura pour l'art traditionnel. Et perdant son aura, l'art traditionnel perd aussi sa fonction, qui, en général, justement, renvoie à la contemplation. L'art oratique, ce serait à ce moment-là l'art traditionnel, si vous voulez, qui irradie en quelque sorte à partir d'une autonomie, d'une indépendance absolue. Quoi. Une autorité magique. Une autorité, alors, magique ou de maître, comme on voudra. Laissons les choses ouvertes. Quoi. Et c'est cet art-là que Brecht, de son côté, à la même époque, appelle l'art organique, irradiant, dont Benjamin voit le déclin et appelle à certains égards la destruction. Théodore Adorno. Vous demandez si le cinéma est de l'art ou non, est un signe d'impuissance. Un fait que Walter Benjamin a été le premier à reconnaître dans son travail sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée, c'est que le cinéma ne devient vraiment lui-même que lorsqu'il rejette un attribut qui appartenait à l'art antérieur au cinéma. Je veux parler de l'aura, c'est-à-dire de l'illusion d'une transcendance garantie par la cohérence de l'œuvre. Autrement dit, le cinéma ne devient lui-même que lorsqu'il renonce aux éléments symboliques et aux significations surajoutées dans une mesure que la peinture et la littérature réaliste avaient à peine soupçonnée. C'était une petite composition justement de Jules Macoison pour notre séminaire. Et alors, est-ce Walter Benjamin que nous avons écouté dans cet extrait-là? Bon, si on suit Hesel, oui. Donc c'est peut-être un des rares témoignages de sa réelle voix que nous pouvons écouter. En attendant, ces 10 minutes préparées par Philippe Baudouin nous introduisent très bien aux multiples enjeux de Benjamin, la radio et l'enfance. Et dans les différentes interventions de ce matin, de cet après-midi et de demain, nous y reviendrons. Mais j'ai proposé à Anne Roche de faire la première intervention